Qui est partagé par tout le monde, tu rentres là-dedans. Je sais pas après. un métronome à 16 temps. J'ai vu. Il a un serveur. C'est quoi ton problème? Il y a des serveurs publics. Mais c'est quoi le problème? C'est la plus grande qui a. Non, non, c'est du son estimé. Sur 8,